France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Tout à l'heure, nous serons avec Lin-Manuel Miranda, l'auteur de la comédie musicale événement Hamilton, qui a signé les chansons du nouveau dessin animé de chez Disney, qui est sorti cette semaine. Tout à l'heure, nous vous offrirons un très beau livre aussi sur l'histoire de la comédie musicale. Et nous consacrons notre rue cette semaine à la dernière comédie musicale à Broadway de Jérôme Kern, avant qu'il parte à Hollywood. Le compositeur qui a fait le pont entre les styles des opérettes européennes et les histoires modernes américaines, le compositeur qui a inventé avec Showboat la comédie musicale intégrée où les chansons font avancer l'histoire, a un coup de foudre pour un best-seller qui se déroule dans le milieu de la mode à Paris en 1933. Non seulement il compose, mais il met en scène Roberta, le titre de cette œuvre. Une œuvre rarement reprise qui regorge de chansons devenues célèbres et adaptées deux fois au cinéma. La première fois, c'était dès 1935 avec Ginger Rogers et au piano Fred Astaire. Anything I can do for you? No. Think of what you're losing by constantly refusing to dance with me. You'd be the idol of France with me. And yet you stand there and shake your foolish head dramatically while I wait here so ecstatically. You just look and say emphatically, not this season. There's a reason. I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're lovely. So what? I'm lovely. Not all what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. Ah, but when you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. And if I hold you in my arms, I won't dance. Il est juste un peu sous le héros de cette histoire. C'était pas Fred Astaire dans le film. Il s'appelle John Kent. C'est un pur américain, vous l'entendez un petit peu sous, tout juste sorti de l'université, qui se retrouve, voilà, sans le vouloir, à Paris à la tête d'un magasin de haute couture. Fred Astaire, Ginger Rogers, I Won't Dance. C'est une chanson de Jérôme Kern, spécialement composée pour l'adaptation au cinéma de sa comédie musicale Roberta, créée 2 ans plus tôt à Broadway, au Netherlander Theatre, sur la 42e rue. Roberta, c'est vraiment pas l'œuvre la plus connue de Jérôme Kern, et pourtant l'une de ses chansons est passée à la postérité. On ne compte plus ses reprises. Alors c'est une chanson qui a connu un drôle de parcours. Jérôme Kern la compose au départ pour une scène de claquette au tempo bien plus rapide lors d'un changement de décor dans son spectacle Showboat. Il en fait aussi une sorte de marche lors d'une émission de radio de la NBC en 1932. Et il n'est pas vraiment favorable à réduire le tempo de la mélodie, comme le lui demande en 1933 son parolier Otto Harbar lorsqu'il s'agit de l'utiliser dans Roberta, la comédie musicale. C'est une chanson, vous allez l'entendre et vous allez la reconnaître, très particulière, sans couplet. Dans le spectacle, elle est interprétée par une jeune femme qui parle d'amour. Écoutez celle qu'il a créée sur scène en 1933, cette chanson, l'Ukrainienne Tamara Drazin. Was true. replied, something here inside cannot be denied. They said, someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. Laughed, oh yes, I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride, tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Barbra Streisand en 2009, Smoke Gets in Your Eyes, et puis auparavant, celle qui a créé cette chanson. On vous a trouvé un petit extrait avec un rythme un petit peu plus rapide, vous l'avez noté. C'était en 1933 que Tamara Drazin a créé cette chanson sur la scène du Netherlander Theater dans Roberta, la comédie musicale. Alors de quoi elle parle cette chanson? La fumée, la buée, eh bien elle embrouille évidemment l'esprit d'une femme amoureuse qui se sent un petit peu délaissée. Smoke Gets in Your Eyes. Roberta, la comédie musicale, est en fait inspirée d'un roman à succès qui était paru quelques années plus tôt. Ça s'intitulait Robe de Roberta. Ça avait été écrit par Alice Duer Miller. L'histoire se déroule à Paris après la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire d'un jeune Américain fraîchement sorti de son université qui hérite d'une maison de couture à Paris tenue par sa tante Minnie, connue en France sous le nom de Roberta. Voilà, il se sent incapable de diriger cette société. Il confie les clés de la direction à l'assistante de sa tante, une certaine Stéphanie, et va tomber évidemment sous son charme, même lorsque sa petite amie débarque d'Amérique. C'est Jérôme Kern qui avait choisi d'adapter ce best-seller, parce que voilà, le lieu était exotique pour l'époque, Paris, et puis l'adaptation pouvait donner lieu à de somptueux défilés de mode avec des magnifiques robes. Pour adapter le roman en comédie musicale, on va, comme toujours, rajouter des comparses pour apporter un peu de légèreté. Ce sont eux qui vont accompagner l'Américain à Paris et on les découvre dans un numéro d'ouverture intitulé « Let's Begin ». What's up, Jim Blossom? Before I met you, no one attracted me. No love that's worried or distracted me. My disposition kept exempting me until you started in preempting me. And all this while you've really been tempting me. Maybe you can tell me what we ought to do. Now that you've got me going, what you gonna do? Is it up to me or is it up to you? What kind of game is this we've begun? Was it done just for fun? We have necked till I'm wrecked. Won't you tell me what you expect? Is this to be a case of kiss and never tell? Folly and farewell, heaven or maybe hell. Which is it gonna be, love or gin? Life or sin? Let's be in. Geez, Sophia, I'm sorry. Here, let me carry you. No, just leave me alone. John, how could you be so clumsy? I guess I wasn't built for stepping. Stepping? Good Lord. Anything broken? My instep's gone, that's all. Well, here, let me rub it. Don't! Could I be of service? Oh, hello, Billy. What's the matter? What happened? I stepped on her foot. Oh, good Lord. It's better now. Oh, that's swell. Now that you gotta go, and what you gonna do? Is it up to her or is it up to you? What kind of game is this you've begun? Was it done just for fun? You have necked till you're wrecked. Won't you tell her what you expect? Is this to be a case of falling glad you fell? Kiss and never tell, folly and farewell. Which is it gonna be, love or gin? Wife or sin? Let's begin. Is this to be a case of falling glad you fell? Kiss and never tell, folly and farewell. Which is it gonna be, love or gin? Wife or sin? Let's begin. And make a mess of both of our bright young lives. When I think of who you are, what a gem true blue you are, 'tis then I realize how foolish I have been. How could I hope to win? For gems like you are set in rings that grace the hands of kings. Your devastating and so far above me, to think of mating I never could dare. You couldn't ever be lowly and love me. You're much too clever to care how I care. You were destined for purple-hued throne rooms. You were fashioned for princes to see. Still I keep dreaming of you in my own rooms, and there you whisper, I love you. Devastating and so far above me, to think of mating I never could dare. You couldn't ever be lonely and love me. You're much too clever. Fashion for princess to see. Still I keep dreaming of you in my arms, and there you whisper, I love you to me. Un enregistrement de 1944 de cette comédie musicale Roberta avec Alfred Drake dans le rôle du jeune américain qui débarque à Paris et cette chanson très empreinte d'opérette You're Devastating. Et juste auparavant, l'ouverture qui swingait de Roberta, la même comédie musicale, dans un enregistrement tout récent paru chez New World, interprété par l'Orchestre d'Irlande, dirigé par Rob Berman qui avait reconstitué la partition d'époque avec Tally Sessions, Laura Daniel, Patrick Cummings et Justin Case. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. C'est un peu la particularité de cette partition de Roberta. Elle oscille entre chansons empreintes du son de l'opérette et chansons qui swingent. Alors une autre chanson très empreinte d'opérette, là c'est une petite merveille, sans couplet, qui devient elle aussi un standard. Une chanson extraordinairement évocative, construite de façon très simple, dans un registre vocal assez réduit, mais avec une glorieuse note élevée. Une chanson nostalgique intitulée Yesterday's que je vous propose d'écouter de deux façons différentes, par Billie Holiday et Catherine Grayson. Sweet sequestered days, golden days, golden days, days of mad romance and love. Yeah. yesterdays, yesterdays, days I knew as happy, sweet, sequestered days, olden days, golden days, days of men who Billie Holiday, Yesterdays, une chanson de Jérôme Kern et Otto Harbach, composée pour leur comédie musicale Roberta en 1933. Sur scène, on ne lésinera pas sur les scènes de défilés de mode ou les plus belles robes. Et le spectacle va connaître évidemment les affres de la création. Jérôme Kern met en scène le spectacle à Philadelphie et puis il est remplacé par un autre metteur en scène. Finalement, le succès arrive. Le spectacle Roberta reste 9 mois à l'affiche. Il y aura une tournée durant 1 an. Et il faut dire que le spectacle sait alterner moments d'émotion, comme celui qu'on vient d'entendre, et puis moments plus légers. Ce sont des moments qui reviennent aux personnages secondaires. Il y a le copain américain de John qui voyage avec lui, il s'appelle Huck, et puis une cliente polonaise du magasin de robes au tempérament de feu, elle se nomme Charvenka, et ils interprètent par exemple ce morceau savoureux « Something Had to Happen », Kim Criswell, Jason Gray. The song you sang, Something Had to Happen, on the Jubilee hookup, I have put it in my repertoire. I show you. Well, come on, shoot the works. My love for you has laid me and laid me so low. Just what it was that made me surrender, I don't know. A fierce, non-puritanic, volcanic, hot glow. Impossible to live in, 'twas that which made me give in. Something's got to happen, so let us take a sensible point of view. Let us do the things we have got to do. Things I have got to do. Don't let's be condemning, for it was fate that happened to pick on me, and that made me happen to pick on you. Something's got to happen, so let us take a sensible point of view. Let us do the things we have got to do. Things I have got to do. Don't let's be condemning, for it was fate that happened to pick on me, and that made me happen to pick on you. My love for you has slayed me and laid me so low. Just what it was that made me surrender, I don't know. A fierce, non-puritanic, volcanic, hot glow. Impossible to live in, 'twas that which made me give in. Something's got to happen, so let us take a sensible point of view. Let us do the things we have got to do. Things I am hot to do. Don't let's be caught. a famine, for it was fate that happened to pick on me, and that made me happen to pick on you. Autre chanson qui swing dans Roberta de Jérôme Kern, eh bien aussi, encore une fois, pour le personnage de la cliente polonaise récalcitrante, une chanson qui s'intitule I Be Hard to Handle, et je vous ai choisi une version punchy interprétée par Anne Miller lorsque Roberta a été à nouveau adaptée à Hollywood dans les années 50 par la MGM. Le film s'intitule Lovely to Look At, les chorégraphies étaient signées Hermès Pan. Boys, you bother. Ooh, ooh, ooh. I hear you knocking, but you can't come in. Let me warn you, fellas, I'll be hard to handle. I won't give an inch. So don't go and bet it's easy to get me in a clinch. If you don't believe me, try it. I'm prepared to wrestle if safety demands. I'll wrestle those guys with four pair of eyes and 16 hands, and you ought to see me throw 'em. Mean till I've had breakfast coffee, meaner when I've had my coffee. I am just an iron butterfly at heart. All the fellas say I scare 'em. If they're backward, I can't bear 'em. If they're forward, I tear 'em apart. Awful hard to handle. A positive fright. But I'll get along if I'm doing wrong. I'm doing all right. Natives are restless tonight. Et maintenant, une chanson des plus surprenantes. Elle n'a rien d'une chanson traditionnelle parce que vous allez l'entendre, elle ne fait que 23 mesures. C'est le moment où la tante qui dirige cette maison de haute couture meurt dans son sommeil et laisse à son neveu le soin de reprendre les rênes de cette maison. Une chanson intitulée « The Touch of Your Hand ». Been such a good girl to me, Stephanie. You've been an angel to me. Come, Aunt Minnie, you must rest now. Perhaps I can if you and Stephanie will sing for me. You and I, throughout a summer day, have walked a sunlit moonlit way or stop to play. You and I have wandered hand in hand throughout a happy land that we had planned. I had hoped that our way might end where the sky and blue horizon blend. Yet we've both walked our one last mile. It's goodbye for a while. When you shall see flowers that lie on the plain, lying there sighing for one touch of rain, then you may borrow some glimpse of my sorrow, and you'll understand. Roberta est créée à Broadway en 1933 et deux ans plus tard est recréée devant des caméras avec au cinéma Fred Astaire et Ginger Rogers. Pour l'occasion, Jérôme Kern compose deux nouvelles chansons. Tout à l'heure, on a entendu I Won't Dance. Il en compose une autre qui sert durant les défilés de mode. Une chanson intitulée tout simplement Lovely to Look At, de jeunes femmes dans de superbes robes qu'il est très agréable de regarder. C'est une chanson dont les paroles ont été écrites cette fois-ci par Dorothy Fields et c'est elle qui l'interprète elle-même lors d'un concert qui lui était consacré. Clothes must play a part to light an eye, to win a heart. They say a gown can almost speak if it is chic. Should you select the right effect, you cannot miss. You may be sure he will tell you this. Lovely to look at, delightful to know, like this is quite my most impossible scheme come true. Imagine finding a dream like you. You're lovely to look at, it's thrilling to hold you, terribly tight, for we're together, the moon is new, and oh, it's lovely to look at you. Thank you. Le final du film Lovely to Look At, made in Metro-Goldwyn-Mayer dans les années 50, sur la page de 42e rue, sur le tout nouveau, tout beau site de francemusique.fr. On vous a mis toute la programmation musicale de l'émission. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. On passe à l'actualité des comédies musicales avec d'abord notre cadeau de Noël. Le journaliste Alexandre Ravelot propose aux éditions Chroniques un beau livre qui raconte l'histoire de la comédie musicale. On part de Paris, les opérettes de Jacques Offenbach, on va jusqu'à Broadway, les Follies de Florence Ziegfeld et à Hollywood avec les claquettes de Fred Astaire ou le jeu de jambes athlétique de Gene Kelly. Le livre évoque également les succès récents de Broadway comme Wicked ou les échecs sanglants à la Spider-Man. Eh bien, j'ai 5 exemplaires à votre disposition. Pour les recevoir, il vous suffit de m'écrire sur la page de l'émission 42e rue sur francemusique.fr. Il y a un petit onglet, vous verrez en haut, intitulé « Contactez-nous ». Je donnerai les 5 heureux gagnants tirés au sort juste avant midi, Musicals. L'histoire de la comédie musicale est parue aux éditions Chronique. Dans l'actualité des comédies musicales, il y a aussi la sortie mercredi dernier, tout dernier dessin animé de chez Walt Disney, Vaiana, la légende du bout du monde, réalisé par John Musker et Ron Clements. Un dessin animé chanté dont l'une des voix, pour la petite histoire, est interprétée par Philippe Assou. Philippe Assou, c'est elle qui reprendra le rôle d'Amélie dans l'adaptation à Broadway du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Quant aux chansons, elles sont composées par le Wonder Boy de la comédie musicale aujourd'hui, Lin-Manuel Miranda, le compositeur, acteur, auteur de Hamilton, la comédie musicale qui fait sensation à Broadway depuis un an. J'ai rencontré Lin-Manuel Miranda et je lui ai demandé justement quelle était la différence entre composer des chansons pour des personnages réalistes comme le général Lafayette ou Alexander Hamilton et pour des personnages de dessins animés de chez Disney. Not different at all. The challenge is the same, is to put yourself in the shoes of the character you're writing and write as honestly as possible. And when it feels true, ce n'est pas différent. La difficulté, c'est la même. Il s'agit de se mettre dans les souliers du personnage et d'écrire le plus honnêtement possible. Quand ça sonne juste, vous écrivez et vous espérez que ça rime. C'est une histoire d'empathie. Les personnages des dessins animés de chez Disney sont incroyablement réalistes. Dans le film, mon travail était de créer des personnages en 3 dimensions aussi réalistes que possible, avec des racines, des émotions. L'héroïne Vaiana fait de son mieux dans des circonstances assez folles. Elle part seule en mer, elle essaie de sauver le monde, elle est frustrée, elle se lance des défis. Même si elle est dessinée en 2 dimensions, on cherche toujours à en faire un personnage en chair et en os. I suppose that's really the only difference, though. I mean, I think your goal, whether you're writing a Disney. Par contre, comme c'est un dessin animé de chez Disney, il est certain que je ne vais pas utiliser de gros mots dans les paroles. C'est ça la seule différence. Mais vous savez, que vous écriviez pour un personnage de chez Disney ou pour le Marquis de Lafayette, c'est le même processus. Il s'agit d'écrire de façon honnête pour les spectateurs, quels qu'ils soient. J'espérais qu'Hamilton plaise à tout le monde. J'espère que Vaiana va plaire à tout le monde. Mon premier public, vous savez, c'est ma femme. Elle n'est pas grand fan de comédie musicale. Si elle aime bien, je sais que j'ai fait un bon boulot. Dans Vaiana, j'ai aussi écrit une chanson pour un crabe incrusté de diamants. Ce personnage n'est certainement pas aussi méchant que Cruella de Vil dans Les 101 Dalmatiens, mais il est dans la tradition des méchants de chez Disney. Ce qui m'a amusé, c'était de trouver son style musical. Ça commence souvent en sachant qui prête sa voix au personnage. J'ai appris qu'il s'agissait de Jermaine Clement, qui fait partie d'un duo, Flight of the Conchords. Dans un show de la chaîne HBO, il a rendu un magnifique hommage à David Bowie. Alors je me suis dit, ce personnage va me donner l'occasion à mon tour d'écrire un hommage à Bowie. Pour ce crabe incrusté de diamants, j'ai donc écrit un air très influencé par le glam rock des années 70. Well, Tamator hasn't always been this glam. I was a drab little crab once. Now I know I can be happy as a clam, because I'm beautiful, baby. Did your granny say, listen to your heart, be who you are on the inside? I need 3 words to tear her argument apart. Your granny lied. I'd rather be shiny, like a treasure from a sunken pirate wreck. Scrub the deck and make it look shiny. I will sparkle like a wealthy woman's neck. Just a sec, don't you know? Fish are dumb, dumb, dumb. They chase anything that glitters. Beginners. Oh, And here they come, come, come to the brightest thing that glitters. Fish dinners. I just love free food. And you look like seafood. Well, well, well. Little Maui's having trouble with his look. You little semi-dummy mini-god. Ouch, what a terrible performance. Get the hook. Get it? You don't swing it like you used to, man. Yet I have to give you credit for my start. And your tattoos on the outside. For just like you, I made myself a work of art. I'll never hide, I can't, I'm too shiny. Watch me dazzle like a diamond in the rough. Strut my stuff is so shiny. Send your armies, but they'll never be enough. My shell's too tough, Maui man. You can try, try, try, but you can't expect a demigod to be the take apart. Pick it up, you will die, die, die. Now it's time for me to take apart your aching heart. Far from the ones who abandoned you, chasing the love of these humans who made you feel wanted. You try to be tough, but your armor's just not hard enough. Maui, now it's time to kick your hymen. Ever seen someone so shiny? Soak it in, cause it's the last you'll ever see. Say love, be my mimi, I'm so shiny. Now I eat you, so prepare your final plea. Just for me. You'll never be quite as shiny. You wish you were nice and shiny. Rencontre avec Lin-Manuel Miranda ce matin sur la 42e rue de France Musique. On sait que sa comédie musicale Hamilton, qui raconte la vie d'Alexander Hamilton, l'un des fondateurs des États-Unis d'Amérique, a rencontré la saison dernière un succès fou avec des places introuvables qui se vendent au marché noir plusieurs milliers de dollars. Pourquoi, à votre avis, cette œuvre a rencontré un tel succès? I think that my understanding, and this is from the people who have seen the show, is that when faced with Hamilton's... Je crois que face à l'histoire de la vie improbable d'Alexander Hamilton, un orphelin de 12 ans sur une petite île, Nevis, dans les Caraïbes, qui arrive à forger son chemin dans les débuts de l'Amérique et qui rencontre ensuite de nombreux problèmes. And then has this incredible life, and then also writes his way into trouble. I think it is a unique story that. Je crois que c'est une histoire unique qui vous fait réfléchir à des questions comme à quoi je passe ici mon temps sur Terre. On voit tout ce qu'a fait Hamilton. Il a fait partie de la gendarmerie maritime. Il a été secrétaire au Trésor. Il a été vétéran de la guerre révolutionnaire. Il a été avocat. Et on se dit, à son âge, j'étais toujours en train de rembourser mon crédit pour mes études. Je crois que sa vie fait résonner en nous le sens de combien de temps on a ici sur Terre. Et surtout, combien si peu on contrôle finalement notre héritage en fin de compte. Cet héritage est contrôlé par ceux qui nous survivent. Parfois, ce sont des amis. Parfois, non. Hamilton était survivant. Vécu par tous ses ennemis, qui sont tous devenus présidents, Madison, Jefferson, John Quincy Adams, Monroe. Ils haïssaient tous Hamilton. Je crois que cette notion d'héritage et du temps qui passe est universelle. Lin-Manuel Miranda fera partie de Mary Poppins, le retour que préparent les studios Disney avec Emily Blunt. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Supercalifragilisticexpialidocious. Well, it's a sequel. It's not a remake. So we're not. C'est une suite. C'est pas un remake. Ça ne raconte pas la même histoire. Ça se déroule 20 ans plus tard. Jane and Michael Banks, les enfants ont grandi. And Mary Poppins comes to visit them. Mary Poppins vient les revoir. I can tell you that Emily Blunt and I are working really. Je peux vous dire qu'avec Emily Blunt, on travaille très dur. On chante, on danse chaque jour. J'ai vraiment très mal aux jambes. C'est tout ce que je peux vous dire. You say the price of my love is not a price that you're willing to pay. You cry in your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember, despite our estrangement, I'm your man. You'll be back soon, you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Da da da da da. Subject, my sweet submissive subject, my loyal royal subject, forever and ever and ever and ever and ever. You'll be back like before. I will fight the fight and win the war. For your love, for your praise, and I'll love you till my dying days. When you're gone, I'll go mad. So don't throw away this thing we had. Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family to remind you of my love. Da da da da da. Da da da da da yada, da da da da da yada, da da da da da da da da da da yada, da da da. Everybody, da da da da da da da da da da yada, da da da da da yada, da da da da da da da yada, da da da da da da. Écrit par Lin-Manuel Miranda, cet extrait de Hamilton, la comédie musicale You'll Be Back, interprété par Jonathan Groff. Hamilton, la comédie musicale qui arrivera à Londres la saison prochaine. Et puis, juste auparavant, on avait entendu extrait de Vaiana, la légende du bout du monde, le nouveau Disney, Shiny, interprété par Germaine Clément, qui était traduit en français par Bling Bling, puisque évidemment, ça parle d'un crabe qui est rempli de magnifiques bijoux, incrustés de magnifique bijou. Plus d'informations, la programmation musicale de 42e rue, le podcast, la réécoute, tout ça c'est en ligne sur le nouveau site de France Musique, francemusique.fr. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Bravo à bien à vous tous qui avez participé à notre jeu pour gagner l'un des 5 exemplaires de ce livre qui vient de paraître aux éditions Chroniques Musicales, l'histoire de la comédie musicale. Nous avons tiré au sort et voici les heureux gagnants. Angela Campana à Paris, Didier Zetoun à Paris également, Joseph Gresti à Arc-sur-Tille, Maurice Albarel à Lagny-sur-Marne et puis Jean-Michel Brouet à Montigny-le-Tilleul en Belgique. On vous envoie ça et vous devriez le recevoir, on l'espère bien, avant Noël, même je pense certainement cette semaine. Rendez-vous dimanche prochain, ça sera notre prochain cabaret 42e rue, en direct, en public de Radio France, avec un trio de fantastiques comédiennes issues de la comédie musicale qui se sont réunies pour former un trio du tonnerre, les coquettes. Ce sont Lola Cess, Marie Facundo, Juliette Faucon. Elles vous proposeront un concert et recevront leurs amis au son de nombreux extraits de comédie musicale. Réservation indispensable sur maisondelaradio.fr. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec ce matin Cécile Gissot, Julie Guéroux, Antoine Giraud et à la réalisation Fabien Florin. Rideau.